mais plutôt ils dirent « Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous nous guidons sur leurs traces ».